Jésus, le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Oui, je ne crains plus, car je suis racheté. Et je chante à celui qui m'a sauvé. À la croix, où je reçus le pardon, mais mon cœur est ôté. Oh oui, je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé. Dieu bien-aimé, notre Père céleste, nous nous approchons de ton trône glorieux en cet instant, parlant et agissant au nom de Jésus-Christ, le seul nom du Dieu sauveur, le nom d'alliance et de paix. Le nom qui protège et assure les réponses à nos prières. Le nom dans lequel les miracles et les prodiges sont accomplis. C'est le nom qui donne la vie à toutes choses. Nous aimons porter ce nom. Nous aimons l'écho de ce nom. Nous adorons en ce nom. Nous prosternons à ses pieds, car il est l'être suprême qui n'a pas de concurrent, immuable et incomparable, qui console nos cœurs et fortifie les faibles, qui défend les veuves et qui se fait le père des orphelins, qui connaît les droits de chaque créature, qui peut les défendre et les soutenir. Quand bien même il n'aurait pas de parapluie sur la terre, mais ils peuvent compter sur le Dieu de justice, le garant de nos droits. Seigneur, laisse nos cœurs croire en toi. Exerce-nous à tes pieds. Exerce-nous aux affaires du royaume. Exerce-nous dans les choses de Dieu pour que nous soyons performants. Que chaque jour nous devenions meilleurs. Nous ne voulons pas reculer, mais nous souhaitons avancer. Chaque jour, un pas en avant. Deux, trois pas en avant. Chaque jour, de progrès. Oui, c'est possible avec toi, Seigneur. Père de gloire, Père de bonté, Dieu fidèle, Dieu véritable. Exauce nos prières ce soir et entretiens nos âmes à ta présence pour de meilleurs résultats, pour de meilleurs lendemains, pour une vraie espérance dans l'éternité avec Dieu. Guéris les malades, Seigneur, et puisses-tu envoyer l'onction du Saint-Esprit pour moindre chaque croyant, tous ceux qui sont sincères. S'attache à toi avec persévérance. Qui ne vienne pas par manque de foi. Qui ne vienne pas juste pour un formalisme. Mais qui vienne pour un vrai service divin. Communier avec Dieu. Rester face à face avec le Rédempteur. Contacte les Seigneurs. Exauce-les. Honore leur foi. Bénis ton peuple à travers le monde et combat pour les justes causes. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans Jean au chapitre 15, verset 16. Verset 16 et 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Bino boponi ngai te. Kasi ngai na poni bino. Pe na bongisi bino ete bokenda kobota mbuma mpe ete mbuma na bino eumela. Ete likambo nini likolomba kabino na tata na kombo na ngai akopese bino yango. Nazali ndeko lakela kabino boye ete bolingana kakati na bino penza. Psaume 144. Banzembo mukama tukuminei na minei. Verset 1 et 2. Nzela kotanga ya liboso pe ya mibale. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Amen. Qui exerce mes mains au combat. Amen. Mes doigts à la bataille. Amen. Mon bienfaiteur et ma forteresse. Amen. Ma haute retraite et mon libérateur. Amen. Mon bouclier, celui qui est mon refuge. Amen. Qui m'a sujeti mon peuple. Yahweh libanga nangai asanzolama. Oyo alakisi maboko nangai mayele na itumba. Mpe misapi nangai mayele na kobunana. Ye malamu nangai mpe ebomba melo nangai. Ndako nangai na molai mpe mobikisi nangai. Nguba nangai mpe ye oyo ngai na ndimi epai na ye. Ye oyo azongisi bato nangai sima nangai. A Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons la bienvenue à chacun d'entre nous. En ce lieu négligeable, mais où nous invoquons le nom le plus important. Le nom le plus suprême. Le nom du Très-Haut. Notre Seigneur Jésus-Christ. Que nos cœurs aiment. Et que nos yeux veulent voir. Que nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans le voir encore. Mais il nous a fait des promesses certaines. Auxquelles nos cœurs s'accrochent. Parce que par le passé, Dieu a déjà prouvé plusieurs promesses. Sa parole a toujours été infaillible. Dans le passé, Dieu confirmait toujours sa parole. Et au temps présent, Dieu confirme encore sa parole. À travers les événements qu'il y a sur la terre, n'importe qui peut voir que les prophéties bibliques ne cessent de s'accomplir continuellement. Il suffit de prêter un peu attention pour comprendre que la parole de Dieu n'est pas une blague. La parole de Dieu n'est pas un jeu. Ce n'est pas un tâtonnement, mais c'est un oui absolu. Quand il a parlé, les effets suivront. Quand il a parlé, la concrétisation est obligatoire. Et quand il parle, il a dit lui-même, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Même quand ceux qui l'ont entendu auraient oublié. Ou même si certaines choses que Dieu a dites les auraient échappées. Mais celui qui a prononcé sa parole, Dieu, l'auteur de sa parole, n'est jamais amnésique. Il n'oublie rien. Tout ce qu'il a dit, oui. Car Dieu et sa parole sont inséparables. Il est écrit dans Jean chapitre 1, vous le savez. Verset 1 à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était avec. Et elle était. Elle était avec. Et elle était aussi. Cette parole qui était avec Dieu. Cette parole elle-même était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et pourtant, tout l'Ancien Testament enseigne et démontre que tout n'a été fait que par le Dieu d'Israël. Et lui seul Dieu a déployé les cieux et la terre. Et qu'il n'y avait à côté de lui aucun Dieu étranger. Il était le seul créateur. Le prophète Esaïe l'a dit et répété. Les autres prophètes Jérémie on l'a dit pareillement. Il n'y a qu'un seul créateur. Elohim, le Dieu vivant. Elohim, Nzambe, Nabamoi. Le Dieu unique. Nzambe, Yemei. Au sujet duquel Moïse a enseigné Israël. Pour leur dire, écoute ceci, Israël. L'Éternel, votre Dieu. Yahweh Nzambe Nabino. L'Éternel est un seul. Yahweh Azalibobele Yemoko. L'Éternel, votre Dieu. Yahweh Nzambe Nabino. L'Éternel est unique. Azali Yemoko. Donc, ils ne sont pas deux. Mais ce Dieu-là, qui est unique, il est la parole. Yende Iloba. Sa parole, c'est lui-même. J'ai dit que Dieu et sa parole sont inséparables. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Yoka e Israele, Yahweh azali nzambe na biso yemoko, Yahweh moko. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mpe okolinga Yahweh nzambe na yo na motema na yo mobimba. Mpe na molimo na yo mobimba. Mpe na nguya na yo mobimba. Le seul Éternel qui soit, c'est Dieu. Satan n'est pas éternel. Aucun démon n'est éternel. Aucun ange déchu ne sera éternel. Aucun ange de Dieu aussi ne se fera de lui-même éternel. Le seul éternel qui soit, c'est le Seigneur Dieu d'Israël. Et cette vérité légale de la loi de Dieu nous revient avec force dans le Nouveau Testament. À travers Marc au chapitre 12, nous trouvons qu'il est écrit ceci. Verset 28 à 30. Marc 12, verset 28 à 30. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Amen. Moko na bakomeli, ayeyi, mpe ayoki bango kocha matembe. Emoniye ete Yesu azongisela ki bango malamu, atuniye ete, lila konini ezali liboso ya malako nyonso. Yesu alobi na ye ete, oyo na liboso na nyonso ete, yoka Isalele, nkolo nzambe na biso, Ye azali nkolo moko. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Nkolo nzambe na biso ye azali nkolo moko. Car là où l'Ancien Testament mettait éternel, le Nouveau Testament met Seigneur. Même lorsqu'on récite le même verset. Atasoki basali kosongela mulongo yango moko moko na kondi manana kale sika bana kolobete yawe nde esika na kondi manana sika balobete nkolo. Donc là l'on appelait Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on remplace automatiquement par non. Là on disait nécessairement Éternel, ou équivalent de Yahweh. Lorsqu'on récite les mêmes versets de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, on remplace automatiquement par Seigneur. S majuscule. Na bongo esika oyo na kondi manana kala soki babengi Yahweh. Na kondi manana sika taba zingi kozongela oye lobamaka na kondi manana sika. Na esika ya koloba yawe balobim balamoko nkolo. C'est ainsi que même dans nos chansons, la même foi doit se refléter. Ezali bobele bongo atana banzembo na biso kondi mamoko moko nga etalisama. Nous n'allons pas chanter « Loué soit l'Éternel ». Allez, nous sommes dans le Nouveau Testament, on ne chante plus « Loué soit l'Éternel ». Nous chantons « Loué soit le Seigneur ». C'est ce qui est biblique. Tu croyais pas que « Loué soit l'Éternel » c'est ce que tu as dit « Loué soit le Seigneur ». Alors, « Bélela, Bélela, Bélela, Yahweh Nabikam ». Vous chantez quoi? Ce qu'elle expliquait là. En train d'agiter même les mains. Mais ce n'est pas biblique. Nous chantons ce que nous croyons. Nous restons dans l'esprit de la parole écrite. C'est elle qui nous indique le chemin, la voie à suivre. Donc là où dans l'Ancien Testament on disait Yahweh ou Éternel. Quand nous passons de l'Ancien au Nouveau Testament pour nous référer à la même personne, c'est le Seigneur. Et des fois vous trouvez, j'entends, loué soit le Seigneur, mais un frère ou des soeurs totalement distrait et déconnecté, ils sont en train de chanter, loué soit l'Éternel. Mais c'est lui qui entonne, chante, entonne bien, loué soit le Seigneur. Toi qui réponds, tu continues, année après année, des mois, pendant des mois, tu n'apprends rien, tu continues dans la distraction en train de dire, loué soit l'Éternel. Bongo, oya tindi azali koloba malamu ete asanzolama ezala de nkolo yo moto azali kozongisa na esika koloba ete asanzolama ezali nkolo nzoka nde ozangi bokebi ozali bobele asanzolama ezala yawe yawe yawe. Vous dites même, mais c'est la même chose. Oui, c'est la même personne, pas la même chose. Il s'agit de la même personne. Mais là où on avait mis Yahweh, donc c'était une adaptation. Du tétragramme, le nom mystérieux de Jéhovah, du Dieu d'Israël. Et quand Dieu l'avait communiqué à Moïse, il n'y avait pas de voyelle dedans. Donc déjà quand on dit « Ya » pour mettre « A », c'est déjà un ajout. Quand on dit encore « Ouais » pour mettre « E », c'est encore un ajout. Mais à l'origine, il n'y avait pas de voyelle dedans. C'était un nom imprononçable. Et que les rabbins juifs ont eu à remplacer par Adonai comme étant le grand Seigneur. Tellement le nom du Dieu d'Israël était mystérieux à prononcer. Vous voyez, c'était une succession de quatre consonnes. Y, W, H. Vous voyez ça? Y, H, W, H. Voilà. Les quatre lettres. Et c'est ce qui a été prononcé aux oreilles de Moïse. Et Dieu a ajouté un commandement, tu ne prendras pas le nom de ce Dieu-là en vain. Donc même pour le prononcer, on ne devait pas le prononcer n'importe quand, n'importe comment. Un nom trop sacré. Très mystérieux. Il y a des camps du Dieu d'Israël. Alors, on lui a trouvé un équivalent proche pour désigner l'autorité suprême des cieux et de la terre. En disant Adonai. Adonai. Adonai, Seigneur, le Dieu, là, d'Israël. Le Seigneur Dieu. L'éternel Dieu. Le Seigneur Dieu. Et ces nuances existaient déjà dans l'Ancien Testament. Mais quand le Nouveau Testament commence, le mot éternel disparaît presque complètement. Depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, c'est rare de retrouver éternel. Il n'y a presque pas. Même quand on récite les versets de l'Ancien Testament contenant la désignation éternelle, c'est mis Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est le chef. C'est l'autorité supérieure. Et dans le cas d'espèce, le Dieu créateur, il est l'autorité suprême des cieux et de la terre. L'homme est le chef de sa femme. Mais ce chef-là, quand vous allez dans la langue hébraïque, ce n'est pas mis Adonai. Mais c'est Adon. Le chef-là. L'homme, en tant que chef de sa femme, comme Abraham était appelé par sa femme Sarah l'appelait son Seigneur, S minuscule. Et le Seigneur là, S minuscule, le chef, donc c'est Adon, Adon. Mais Adonai, c'est le tout grand Seigneur. Alors quand l'Ancien Testament est passé, les apôtres ont enseigné la doctrine du Nouveau Testament. Mais après qu'ils sont morts, les esprits dénominationnels ont envahi les églises. Et depuis l'an 255, un certain Ariel, un frère appelé Ariel, a commencé une querelle autour du Logos. Le personnage que le Nouveau Testament appelle Logos Parole, était-il Dieu le Père ou une personne envoyée par Dieu le Père? C'était ça la querelle appelée dans l'histoire querelle arienne. Et cette question philosophique a divisé l'église. Un groupe répondait pour dire oui, les logos, la parole, c'est Dieu lui-même. Et Jean 1:1 a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ce groupe estime que, comme la parole était Dieu, les logos, la parole, ne pouvait pas être une autre personne que Dieu lui-même. Ça ne peut être Dieu en personne. Mais les autres étaient tentés par le langage, la parole était avec Dieu. Oui, frère, vous dites bien que la parole était Dieu. Oui, nous croyons ça, mais considérez aussi l'autre son des cloches dans le même verset qui dit que la parole était avec Dieu. Or, si la parole était avec Dieu, c'est que c'est une autre personne qui était à côté de Dieu, mais qui était quand même aussi Dieu. Donc, il nous faut conclure par là. C'est celui qui est la parole. Était d'abord Dieu, mais ce n'était pas Dieu le Père, mais il était Dieu le Fils, il était celui qui était à côté de Dieu le Père, au commencement. Et pourtant, quand Dieu le Père a créé au commencement, tout l'Ancien Testament établit qu'il était seul, il n'y avait personne à ses côtés. na bongo tamu zambe atelaki ye moko kunyumana na kale nyoso zali kotali se solete tamu zali kokela zali kobele ye moko moko te mpanzi na ye. Voilà là où la théologie et la philosophie humaine vous balancent dans la fausseté. Tala likinda na mabanzo ya batu emeni yo na makambu ya pamba. Il pousse des arguments qui paraissent vrais. Ils peuvent utiliser un extrait de la Bible même. Et essayer de l'expliquer selon les normes françaises ou de la langue utilisée comme s'ils étaient fidèles. Mais ça ne manquera pas de créer la contradiction avec le reste de la parole. Or la parole ne se contredit pas. La parole du Seigneur, elle est la vérité tout entière. Il n'y a ni confusion, ni contradiction en soi. Quand vous en avez la révélation, vous ne verrez aucune contradiction. Mais quand vous la prenez comme théorie intellectuelle, certainement que vous verrez des confusions terribles et multiples. Alors la querelle arienne s'est développée pendant des décennies. Depuis l'an 255 après Jésus-Christ. Et ils ont fini par convoquer un concile à Nicée en France sous l'Empire romain. En l'an 325. Voyez ça? Environ 40 et 70 ans après le début de la querelle d'Arienne. Et là, des grands théologiens se sont réunis là-bas. Ils ont tenu des assemblées générales. Ils ont ouvert toutes sortes de débats. Et la conclusion était qu'il y avait trois personnes en Dieu. Au sujet de la divinité. Après tout, les débats étaient libération. Ils ont convenu de conclure et se mettre d'accord qu'il y a trois personnes en Dieu. Et ils ont fondé dès ce jour-là une doctrine appelée la Sainte Trinité. Et ils ont pris la résolution de s'opposer et de combattre tout homme qui s'appellerait frère chrétien ou sœur chrétienne, mais qui s'opposerait aux résolutions du concile. Et croirait contrairement à ce que le concile de Nicée a décidé. Tout le monde pour l'unité de l'Église. Ils ont dit devait s'incliner et se conformer aux résolutions du concile. Depuis qu'ils ont organisé les choses comme cela, ils avaient posé les jalons, les bases, pour que les assemblées chrétiennes ne soient plus strictement dirigées par la Bible. Mais que les assemblées chrétiennes, les églises chrétiennes, commencent à être dirigées par des statuts et des règlements. C'est depuis cette époque-là, jusqu'à maintenant. Et vous trouverez plusieurs églises organisées qui ne s'en tiennent plus strictement à l'autorité de la parole. Mais leur document par lequel ils fonctionnent et auquel ils tiennent tout à se conformer, ce sont les statuts et règlements intérieurs votés par eux-mêmes. Or, cette mentalité-là, provient d'un esprit antichrist qui tenait coûte que coûte à déconsidérer la parole dans l'église, à écarter l'autorité de la parole pour que les opinions dominantes dirigent l'église. Par une sorte de démocratie, la voix de la majorité. Mais le système que décide la majorité ne serait pas conforme à la Bible. Il dirait la voix du peuple, ce serait la voix de Dieu. Vox populi, vox dei. Oye ba kokana yango oye telemeli na oye lobe lobi bango ba koloba te lokole ezali nde mbongo ya bato ezali bobele bobele bele bo nenza mbaza sima na bango. Et la première église organisée était la catholique romaine. Pali ngomba ya liboso oyo babongisama te ezaki nde ya bamupa na balongo. Et ils sont pleins de catéchisme et de documents du genre, même de prières formulées en termes de récitation. Bazali na ba catéchisme na bango na mabonde li oyo ezali te songa pesi yango banda kozongela bobele nenga bakomi yango wana. Voyez là où nous sommes allés. Et cet esprit dénominationnel poursuit son chemin jusqu'à maintenant. Mais Dieu avait promis un prophète Élie. Pour venir rétablir toutes ces choses dans l'ordre. Et le message nous ramène à l'autorité absolue de la Bible. Ceux qui n'ont pas compris ça, ont fait de Branham leur Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris que le prophète qui était promis là avait pour mission de ramener l'église égarée à l'autorité absolue de la parole écrite. Babungi bongo pate ba sosola kite ete mosakoli oyo alakamaki wana atindisa makete ayako zongi sende ekelejo esili kobunga na liloba oyo. L'on devait corriger toutes les défaillances de l'histoire de l'Église. Et désormais, la Bible devient le manuel de l'Église. Si une Église ne prenne pas la Bible, quittera. Elle n'a pas la Bible comme un soli, sortez de là. Dieu nous a visités maintenant. Il a ramené l'église sur les rails. Il a montré comment prêcher l'évangile. Comme au commencement, selon qu'il est écrit. La parole doit être ensemencée de nouveau. Et les enfants de Dieu doivent être encadrés dans la parole. Ils doivent être dirigés dans les limites de la parole. Et apprendre à tout faire d'après la parole. C'est bon là. Mais la vérité révélée maintenant, c'est quoi? Mais ne sont pas ces conclusions spectaculaires des intellectuels au concile de Nicée. Un jour, le prophète est allé là-bas, dans la brousse. Il y avait un grand blizzard là. Même toutes les prédictions de la météo étaient déjouées. L'homme a failli mourir là-bas, sous les coups de froid et des tempêtes qu'il y avait. Des gros brouillards d'une telle épaisseur que ce soit la neige. L'état était mauvais. Et alors là, il était pris au piège. Il devait parler à ces nuages. Amen. Et ce n'est pas là, penser à ce bruyard de se disperser. C'est l'autorité de la foi qui s'est rétablie. Et ceux qui n'ont pas bien compris ça, ils ont fait de lui le troisième Adam. Parce qu'il a pu parler à la nature et la nature lui a obéi. Mais le but pour lequel Dieu avait laissé cette épreuve lui arriver, ce n'était pas de faire de lui un troisième Adam, mais c'était de révéler la divinité à cette occasion. Amen. Le blizzard s'est répandu. Le soleil a brillé fort. La chaleur a remplacé le froid. En quelques minutes. Par la parole d'un prophète. Il était pris là-dedans. Alors il a vu trois arcs-en-ciel en forme de cercle. Qui qui tournoyait comme ça, descendant du ciel. Il tourne, il s'entrecroise, en forme de cercle. Et voilà qu'il s'approchait de lui, les trois arcs-en-ciel ont fusionné. Et ils n'ont formé qu'un seul arc-en-ciel. Et de là est sortie une voix qui a dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Celui qui était appelé Yahweh est à l'Ancien Testament. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute, croire. L'ordre lui a été donné de croire sa compagne. Et nous aussi, nous croyons. C'est la divinité révélée. Quand vous regardez de loin, vous avez l'impression qu'il y a trois arcs-en-ciel. Comme à Nicée, ils étaient loin de Dieu, au concile de Nicée, ils ont eu l'impression qu'il y a trois personnes en Dieu. Et ils ont fondé une doctrine diabolique appelée la Trinité. Mais quand vous vous rapprochez vraiment de Dieu et de la sainte parole, vous verrez qu'il n'y a pas de tout trois dieux. Même pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu en une seule personne. Mais qui se manifeste diversement. Qui joue plusieurs rôles à différentes occasions, à divers lieux. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, les Jésus-Christ dans le Nouveau. Formation, l'Église de Dieu, croyez ça comme ça. Si nous le croyons comme ça, nous n'avons plus à chanter Béléla, Béléla, Yahweh Nabikama. Vous ne chantez plus Yahweh. Nous chantons Seigneur. Nous parlons de Jésus-Christ. Seigneur, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas d'autre Seigneur que lui. Et il est le Dieu devenu homme. Toute langue doit confesser ça. Êtes-vous là pour le dire? Nous aimons ça. Alors, j'étais dans Marc au chapitre 12. J'avais dit verset 28 à 30. Et nous avions lu le verset 28 et le verset 29. Et les commentaires qui ont suivi ont tourné autour de ça, autour du Seigneur. Jésus répondit, voici le premier commandement, le plus grand commandement. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Yesu alobi ete, oyo na liboso na nyonso ezali ete. Yoka Isalele, nkolo nzambe na biso ye, azali nkolo moko. Le Dieu d'Israël de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ, le roi des chrétiens. Nzambe na Isalele na konyumana na kale, ye wane de Yesu Christo, mokonzi na ba Christo. Il est l'unique Seigneur. Ye mokonde azali nkolo. Et il ajoute au verset 30, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, c'est ça. Vraiment le Seigneur là, c'est ton Dieu. C'est lui qui est Seigneur, et l'unique Seigneur, c'est lui qui est ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Gloire à Dieu. Kembo et pas dans Zambé. Dans Deutéronome au chapitre 7. La doute le nom Kapo et Sambo. Au verset 9. La moulongo et Liboua. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Amen. Yango na payabete, yao en Zambé na bino et Zali, Zambé. L'Éternel, le Seigneur ton Dieu là, c'est lui qui est Dieu en vérité. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en aura jamais. Le Seigneur, votre Seigneur à vous. C'est lui qui est Dieu. Sachez-le et croyez-le comme ça. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nzambe na bino yango nzambe na sembo oyo akobatelaka kondumanana na ye mpe boboto na ye epai na ba oyo balingi ye mpe batosi malako na ye kino mabota koto. Ce Dieu unique qui est Seigneur, nzambe moko ezali nkolo, ce Seigneur unique qui est Dieu, nkolo bele moko ezali nzambe. C'est de lui encore que David a parlé ici dans le psaume 144 que nous avons lu ici au début. Mais il fait quoi à son égard? Il dit ceci, verset 1-2, béni soit l'Éternel mon rocher. Ok. Qui exerce mes mains au combat. Et mes doigts à la bataille. Imaginez que vous soyez entraîné par Dieu lui-même. Que c'est lui-même votre coach. C'est lui-même votre entraîneur. Dites-moi si vous voulez jouer une bataille. Si vous pouvez avoir à chercher un autre renfort, si vous pouvez compter sur un autre être, quand cette autorité suprême, c'est Dieu unique qui est Seigneur, et ce Seigneur unique qui est Dieu, supposez que ce soit lui et lui-même qui vous entraîne. Qui vous exerce au combat, qui vous apprend les techniques et les stratégies, qui vous inculque les méthodes, qui vous remplit d'onction et d'inspiration, qui vous équipe et vous renforce. De quoi auriez-vous peur? Mes chers amis, si c'est vraiment ça, alors vous avez les garanties pour l'éternité. Où que tu mettras ton pied, où que tu foutras ton nez, où que tu pointeras ton doigt, tu sauras que tu n'agis pas par toi-même, mais tes gestes sont téléguidés par la formation réussie de ton entraîneur. Nos gestes que tu vas manifester sera la reproduction de ce que Dieu t'a enseigné. Ce geste-là sera un geste inspiré. Parce que sur le cas, l'efficacité est dedans. L'échec n'est pas envisageable. La honte n'est pas prévisible. La défaite n'est pas prévisible. Car le Seigneur Dieu est puissant dans la bataille. Il est Jéhovah Sabaoth. L'Éternel des armées, il recule devant. Chaque bataille qu'il entreprend est une bataille gagnée. Chaque combat qu'il commence est un combat vaincu. S'il y a des chrétiens et des croyants, ils devront comprendre qu'il est l'entraîneur. Le meilleur des joueurs que je connaisse. Le meilleur des guerriers que je connaisse. L'unique sauveur qu'il y a. L'unique vrai Dieu qui soit. L'unique Seigneur créateur. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Qui est Jésus-Christ dans le nouveau. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Rosalamini, Olabanyoni, C'est exactement ça. Quoi que vous fassiez, en langage, en parole, ou en acte, tout va se faire en ce nom. Non, c'est le nom qui t'a été recommandé. Prends le nom de Jésus avec toi. Enfant de tristesse et de chagrin. Toi le misérable, le malheureux de la terre. Toi l'abandonné de ta famille. Toi le négligé de tes compagnons. Ne te sens pas tout seul. Il y a un entraîneur disposé. Le créateur des cieux et de la terre. Il y a l'égard de tout sous le ciel, lui. Il n'est pas pauvre, il n'est pas misérable, il n'est pas un dieu dépassé, mais il est le tout capable, il est tout puissant pour lui. C'est ton entraîneur qui exerce tes mains au combat, qui exerce tes doigts à la bataille. Alléluia! Il exerce tes mains au combat, il exerce même tes doigts à la bataille. Il apprend à vaincre par juste un jeu de doigts. Malade, le colo lobi boy, c'est là. Kaka nengo betiwana. Amen. La maladie est terrassée. Amen. Amen. Attends, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu l'as fait. C'est la foi en action. La maladie, quelle que soit sa réputation. Sa virulence et sa ténacité. Sa gravité. Le nom de Jésus est le tombeur de la tombe. Il a agenouillé la tombe. Il a agenouillé la mort. Il a agenouillé le séjour de mort. Il est l'un après l'autre. Il passe en ville comme ça. Chaque maladie. Par terre. La maladie. Par terre. Il est le sabord de vous. Par terre. Je vous dis que c'est le grand maître. Il est le maître des maîtres. Il sait comment éliminer en chaîne tous les ennemis. Et quand vous l'avez, il n'y a rien à craindre. Il est en train d'exercer les siens maintenant. Le même Dieu dont David parle ici. Dans le temps où nous vivons, il est en train d'exercer ses enfants. Et saviez-vous, il est en train de les entraîner. Je vais lire. Écoutez, béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, l'Éternel, mon rocher. L'Abraham dit, là où il est dit mon rocher, ça veut dire ma révélation. Il m'est révélé. Il est mon socle. Inamovible. Irremplaçable. Incontestable. Invincible. Tant que je regarde là, ça fait. Il n'y a rien à redouter, mes amis. Tout est garanti et bien garanti. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Qui exerce mes mains au combat. Et mes doigts à la bataille. Donc quand je vais être grand, quand David est allé devant Goliath, qui est son rocher, c'est l'Éternel son Dieu. Il a dit à Goliath, toi tu marches contre moi avec les javelots et la lance. Mais moi je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées. David avait le nom, Goliath avait les lances, les flèches et les javelots. Il était bien habillé, bien sécurisé. Mais le nom de Jésus-Christ était le tombeur de Goliath. Tu diras, prédication, tu t'es trompé. Ce n'était pas le nom de Jésus, c'était le nom de l'Éternel. Mais le nom de l'Éternel est là de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Je parle à mes contemporains. Je suis en train de prêcher aux gens de l'époque de David. Je prêche aux gens de l'époque de Jésus-Christ. Êtes-vous là? Goliath avait des choses matérielles. Mais David avait le nom invisible. Ce n'était pas un bout de papier. Mais c'était un nom que Goliath ne connaissait pas. Il est sorti de la bouche de David. Il a prononcé. Et Goliath a entendu. Et il s'est énervé. Il s'est mis en colère. Et il voulait l'écraser en arrière. Parce aux yeux de Goliath, David paraissait comme une mouche. Et comme un petit moustique a écrasé, broyé par des noix. Mais quel est ce petit moustique qui vient me danser sur le nez? Et attends, je viens avec toi. Vous me perdez mon temps. Donnez-moi un vrai combattant. Je vais m'envoyer ce petit. C'est difficile. Un corps frêle. Zotelemba. Ça montre même qu'il image même pas bien. Il venait de la brousse. Peut-être qu'il n'avait même pas encore mangé. Mais la foi n'était pas perdue. À cause de la force de la faim. Il est venu de là. Il a appris des choses au front. Il a dit, je veux me battre. Il n'a pas dit, servez-moi d'abord un gros repas. Ou peut-être que ça peut être mon dernier combat, je risque de mourir. La foi n'avait pas besoin de tout ça. La foi passe en action immédiatement. L'occasion est là pour agir. Ne vous attendez pas de gesticulation et de programmation de gestion. Vous attendez d'abord les jeunes de l'Église. Vous attendez que je me concentre un peu d'abord. Passez à l'action. Ce que vous avez toujours cru, le Seigneur Dieu est votre rocher. Quand vous vous tenez sur lui, vous ne tomberez pas. Vous n'échouerez pas. Et c'est ce qu'il y a là. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Qui exerce mes mains au combat. Et il avait exercé David. Et David a pu dire ça dans son témoignage devant Goliath. Le même Dieu. Quand je faisais paître les brebis de mon père, il est arrivé que l'ours est venu à attraper une brebis. J'ai couru là et je l'ai délivré. J'ai griffé de l'ours. Il est arrivé que lion est venu avec sa gueule. Et j'ai couru vers le lion. J'ai arraché la brebis. La brebis a eu la vie sauve. Alors qu'elle était déjà aux dents d'un lion. Mais je l'ai arraché vivante. Pour mettre le lion en fuite. Il dit maintenant Goliath. Le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion. C'était un exercice. Mais qui était compté dans ses expériences passées. Et le Dieu qui m'a délivré des griffes de l'ours. C'était un autre exercice. Mais qui était compté dans ses expériences du passé. Il dit, le même Dieu me délivre. Je suis au troisième pôle. J'en arrive au troisième round. J'en suis à la troisième expérience. La première avec les lions. La deuxième avec l'ours. Maintenant, c'est ce gaillard après les lions. Dieu que j'ai toujours servi est la même Dieu. Il est ridicule et pareil. Il est ridicule après. Il dit, c'est lui qui me délivrera de ta main. Toi, tu marches contre moi. Yo, dans le potam, les javelots, la lance et les flèches. Mais moi, je marcherai contre toi. Non. Dans les noms. De l'éternel des armées. Le Dieu dont tu as insulté là. Je te couperai la tête. Mes chers amis. Celui qui dit ça, il est très court comme ça. Mais il parle à un gaillard dont les doigts mesuraient 30 cm. Les doigts. Les doigts à presque la taille du bras de David. Donc, vous voyez les doigts de Goliath, rien que les doigts, c'était ça la taille presque du bras de David. Mais vous pouvez imaginer une telle dysfonction de force. Quant au physique. Même dans les sports, on n'autoriserait pas ça. C'est un poids interdit. Un poids extra lourd. Et vous allez le mettre en face au ring avec un poids léger. Vous cherchez la mort de l'homme ou quoi? Donc, humainement interdit. Mais c'est minimum permis. Parce que quand Dieu est là, ce sont pas des limites qui seront des barrières. Lui prendra la relève. Il comblera tes insuffisances. Il ajoutera à ce qui te manque. Il est Dieu, je sais que c'est vrai. Et l'histoire est connue. David avait décapité Goliath. Comme il avait annoncé, il a coupé la tête de Goliath. Lui, David. C'était la troisième expérience. Marcher avec Dieu. Avancer avec lui. Expérience en expérience. Et la qualité doit s'améliorer chaque fois. La qualité de vos témoignages doit s'améliorer chaque fois. Quitter du bas niveau vers un bon niveau. Que Dieu te bénisse. Je veux lire ici Frère Branham. Dans la prédication, nous voudrions voir Jésus. Rachel le 27 juin 1962. Paragraphe 110 et 111. Notre Père Céleste, témoin de prière. Nous sommes reconnaissants pour ta présence. Dans cette petite arène ce soir, où l'on joue peut-être au basket, basketball. Et où l'armée fait des exercices d'entraînement. Le cadre géographique. Hein? Le cadre topographique. Où se tenait la réunion. Dans cette, nous te sommes reconnaissants pour ta présence. Notre coach, notre entraîneur céleste, c'est l'autorité suprême des cieux et de la terre. Il est le juge des vivants et même des morts. Il n'y a personne au-dessus de lui. Nous sommes reconnaissants pour ta présence dans cette petite arène. Où l'on joue peut-être au basketball. Et où l'armée fait des exercices d'entraînement. Tu entraînes et formes des soldats ce soir. Amen. Est-ce valable seulement pour les soirs de ce jour-là où Branham était là-bas? Ou est-ce aussi valable pour ce soir? Nous sommes le peuple de ce même Dieu. Appelé de son nom. Venu les rencontrer. Croyant ses promesses. Croyant son évangile. Gloire à Jésus-Christ. Toi aussi Seigneur, tu entraînes et formes des soldats ce soir. les soldats de la grande armée du salut de Dieu. Non, pas de l'armée du salut tout court. Une dénomination. Des femmes venir habillées avec des bretelles et portant même des grades. Oh, et les, mon colonel. Du deuil des membres de l'église armée du salut. Et miséricorde. Et les gens font même les aventures avec ça. Avec les grades de l'armée, c'est mon général. C'est mon lieutenant. Quand on va vérifier après, on a demandé aux gens de présenter des civilités, de s'incliner, de donner l'honneur au grade supérieur. Oh, mais c'est le général de l'armée du salut. Oh là là. Il y a un autre prédicateur ici qui était ça, qui a voulu tout, beaucoup d'années se faire appeler le général de l'armée de l'Éternel. Dans, en plein Nouveau Testament. Voyez vraiment comment les gens sont rétrogrades. Totalement rétrogrades et déconnectés du plan de Dieu. Et il est fier d'être appelé le général. Et quand il prêche, son traducteur à un moment, voilà, mon général. Et lui, il est comme ça. Rétrograde. Pas possible. Il faut que la parole vous soit révélée. Non. Et allons à Dieu, humilions-nous. Il vous apprendra ses voies. Évitons d'aller avaler n'importe quoi. Oh là là. Il dit, dans cette petite arène ce soir, on joue peut-être au basketball, et où l'armée fait des exercices d'entraînement. Toi aussi, Seigneur, tu entraînes et formes tes soldats ce soir. De la grande armée du salut de Dieu. Lobiko karate lobiko. Mais lobiko o yanzambe. Amen. Pour lobiko yabatope Isali. Quand il y a eu l'entrée de la FNL, hein, ici à Kinshasa, l'Alliance de Force démocratique pour la libération. Ici à Kinshasa en 1997. Le nom du gouvernement qui était mis en place était appelé comment? Pour ceux qui ont vécu ça ou qui peuvent avoir la mémoire. Oyo. Comment? Salut public. Gouvernement du salut public. Tango Afdel, à côté qui a un amour, un coton au Kamalibo. Ah ouais, on a qui ça ça. Dans côté Kamamo, Kamalibo, tout Kulibo à la Minsambo. Tango Basala qui boucoula Kanabango, Babinga qui combo, y a boucoula Kangoti, et Zandé le Biko pour Namboka. Le Biko y a Mboka. Le vidéo-fest à l'époque avait crié au scandale. C'était un langage dictatorial. Comment quelqu'un peut dire, et comment ça dire, salut public, lui il est le sommaire de qui? On a fait du bruit. Mais c'est resté comme ça. Gouvernement du salut public. Est-ce que ce salut public là, c'est le salut de Dieu? Pas longtemps encore, dernièrement ici. Il y a eu un président de la République qui a tenu un discours au Parlement disant que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et c'était même une question de dissertation pour nos enfants, aux examens d'État. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le salut là, c'est le salut de Dieu. Je peux vous demander. C'est devenu des questions de dissertation. Le salut du peuple, c'est la loi suprême, disserté. Et les gens, ils font même à ça. Bon, c'est maintenant entre nous. Est-ce que ce salut là, c'est le salut de Dieu? Même chose quand vous allez trouver une église appelée armée du salut. Mais quel salut? Bon, Toto si on a armé du salut, tout bien on peut bon. Mais il y a moto y a pas de ce micolo, Toto yo kanantina y a le biko y a zambé. Nous parlons du salut de Dieu, pas seulement du salut n'importe lequel. Le biko pamba pamba tien, kasine le biko nzambé. Voilà ce qu'il y a. La distinction des choses. Pas de confusion. que celui qui aime dise amen. Si vous avez la vérité de Dieu, dites amen. Et l'armée qui est en train d'être formée par Dieu, ce n'est pas l'armée du salut tout court. Dieu est en train de former la grande armée du salut de Dieu. Il les entraîne et les exerce. La grande armée du salut de Dieu. Quelle étiquette, quelle appellation. Mais les formes des hommes et des femmes. La grande armée du salut de Dieu. Ils sont méprisés, abandonnés des hommes. Mais ils ont une valeur aux yeux de Dieu. Car il est lui-même leur entraîneur par sa parole. Il est renvoyé la parole du salut. L'évangile du salut. Pour qu'il croit d'abord à ça. Pour devenir la grande. Est-ce que tu en es déjà membre? Dieu ajoutera les expériences. Peut-être d'abord un débutant là-bas. Si je n'ai aucun témoignage à partager. Que je puisse jouer mon rôle. À mon temps, pendant ma journée. Que je marque mon temps. Parce qu'autrefois, en formant les soldats, la grande armée du salut de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Jean 15, verset 16. Là-bas au tableau. Et vous là. Cette armée du salut de Dieu. Envoyé pour produire du fruit. Ou pas de fruits de femelles. Ou de fruits impressionnants. De la soleil par moment. De vent et de vagues. De fil de pont. De Christ à Nicolas. Ça n'a rien à voir. Mais le fruit que le Seigneur prend. C'est un fruit qui dure dans les temps. Alléluia. Donc vous n'aurez pas honte. Vous n'avez pas à rougir. Tandis que pendant 200 ans, c'est le même fruit. Alors c'est ce que nous voulons, parce que c'est ce que Dieu a ordonné. Et nous chantons avec foi. Que Dieu a ordonné et que Dieu reconnaît. Que Dieu approuvera. Que votre fruit à vous demeure. Dieu l'a voulu. Et il ajoute un commandement pour ces soldats-là qui l'exerçaient. C'est ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. Ça aussi c'est l'entraînement. Vous ne venez pas à l'église étant déjà équipé de tout ça. Vous venez comme moi, j'étais venu un païen tout fait. Mais la parole vous prendra. Elle vous savonnera. Elle vous lavera. Elle vous séchera. Elle vous réimpassera. C'est un coup de feu chaud. Vous relevez tous les complices. Tous les débrayages. Tous les séries de mon ennemi. Et mettre en vous la piété. Faites comme Christ. Alléluia. La grande armée du salut de Dieu. En plein entraînement. En plein entraînement encore. À lui la grande armée. Le sac. Le sac. Voyez ça? J'aime des soldats en face. Les soldats de Jésus-Christ. Je suis sincère avec vous. Comme autrefois, mais que le Seigneur vous commande, vous aimez les n'oubliez pas l'amour dans votre bataille. Le Brenham a dit, l'amour est l'arme la plus puissante que Dieu ait donné au monde. L'amour Bolingo. Et le grand coach, le maître des maîtres, le seigneur des seigneurs, mon général à Saint-Étienne, le souverain des cieux et de la terre, l'autorité extrêmement suprême. Il a commandé l'amour au ciel. Il a commandé à toi d'aimer ton frère. D'aimer ton soeur. D'aimer les membres de l'église. Faites-le réciproquement. Faites-le réciproquement. Il n'y a pas de profiteur parmi vous. Vous ne profitez de l'amour des autres. Lui n'a rien à offrir. Mais j'ai fait donner l'amour. C'est le commandement du Seigneur. C'est dans l'entraînement. C'est dans notre formation. Les disciples sont passés par là. Et ils sont les vainqueurs à leur époque. Nous aussi nous passons par là. Nous sommes les vainqueurs de notre époque. Membres de la grande armée. Il est en plein entraînement. Il vient s'entraîner. Soit un d'eux. Ne fût-ce qu'un débutant. Mon frère, ma soeur. Ne fût-ce qu'un débutant. Dieu est en train de faire ce travail ce soir. Alors ne fais jamais le jeu des démons. Ne te livre pas au jeu du péché. Ne te livre pas au jeu de Satan. Un seul est enrôlé. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Et si tu veux le plaire, tu ne t'embarrasses jamais des affaires de la terre. Analyse chaque situation. Est-elle du ciel ou de la terre? Tant que tu vois que c'est une chose de la terre, qui essaye de perturber ta marche, de Timothée chapitre 2. Timothée Mibale Mukapo Yemibale. Verset 3 et 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est tout vrai. S'embrouiller dans les affaires de la terre. S'embrouiller par les choses de la terre ici. Pourquoi ne perdre les pédales pour ne pas faire ce que Dieu attend de toi? Tu faillis par rapport à tes devoirs chrétiens à cause des affaires de la terre. Un bon soldat ne fait pas ça. Il est dans un service commandé. C'est ce que dit le coach, le commandant suprême. C'est un bon ça. C'est Nos petites occupations de ceci. Nos programmes de cela. Après, c'est d'abord le maître. Chercher premièrement les royaumes de Dieu. Et sa justice. Et le reste vous sera donné. Tu es en train de former des soldats ce soir, Seigneur. On va dire la citation. C'est la grande armée du salut de Dieu. Les exerçants dans la foi à croire. Toi aussi. Que le Seigneur t'exerce. Parfois tu as des moments où tu rates. Tu as des hauts. C'est bon. Et tu as des bas, ou ça ne va pas, c'est lui qui t'entraîne. Il t'entraîne à croire. Oh pauvre cœur, qui toujours craint la vérité en vain, des doutes rongés, et s'est découragé, espère en lui. Car ton sauveur veut restaurer ton cœur. Amen. Si seulement tu peux croire que tu verras sa gloire. Oui, la puissance de ton sauveur, Jésus est sans limite. Mais prends l'espoir pour ce miracle, tu peux le voir, si tu peux croire de tout ton cœur. Ton problème, c'est que tu ne crois pas vraiment de tout ton cœur. Tu crois partiellement, tu crois par moment, tu crois un peu, tu crois parfois. Mais le Seigneur t'entraîne. Il insiste et il revient. Il répète parce qu'il t'aime. Il veut que tu atteignes un bon niveau. Que tu montes des grades dans la grande armée du salut de Dieu. Non seulement que tu sois sauvé toi-même, mais que tu deviennes un grand gagneur des âmes des autres. Est-ce que tu entends cet exercice? C'est notre chaîne de prière. Notre premier sujet chaque vendredi. Aujourd'hui, c'est pour gagner les âmes. C'est pour que les âmes des pécheurs soient gagnées dans les mondes. Et même ici, à qui fait ça? Que Dieu nous équipe et nous utilise. Nous devons aller vers les âmes perdues. Et nous sommes dans notre entraînement dans la chaîne de prière. Maintenant, combien de fois tu as été foutard? Après cette occasion, tu te rappelles même vendredi, fiasco. Vendredi, arrêtez les sous. Toujours distrait. À ce moment-là, 13 heures passées. Mais c'était 12 heures, il fallait prier. À ce moment-là, 7h30. Oh, mais c'était à 6h qu'il fallait prier. Ah, soldat. Quand ton armée, quoi? Kotanarme po makambo ya nkolo na yo e komande ya mutu ya koleka. Et po makambo na nkolo ele kamansu. Et tu l'as fait de l'autre fardeau déposer le plutôt au pied de Jésus. Amen et d'autres plus des cœurs qui s'aiment. Confie en lui, il va nier les soucis. Oh, si seulement tu peux croire que tu verras sa gloire. Oh oui, oui, la puissance de ton sauveur est sans limite. Mais prends l'espoir. Dans ces miracles, tu peux le voir, si tu peux croire, de tout ton cœur. Judas aussi était choisi, mais il a abandonné ce lieu, il est allé ailleurs. Toi, ne suis pas à la voix de Judas. Dieu te donne aussi l'occasion. Comme les disciples d'autrefois. C'est lui qui t'a appelé ici. Reçois la formation. Prends l'entraînement. Exerce-toi. Si ça rate et que ça rate. Comme David d'autrefois. Ô Seigneur Jésus. Exerce ma foi au combat. Parce que nous n'avons plus à combattre contre la chair et le sang. Nous n'allons pas dire comme David exerce mes mains. C'est pas ça. Maintenant, c'est la foi en action. Seigneur Jésus, exerce ma foi au combat. Exerce ma spiritualité à la bataille. Que je sache détecter les signes de l'ennemi. Que je sache détecter les adversaires qui se cachent dans l'ombre. Seigneur Jésus, exerce ma spiritualité à la bataille spirituelle. Qu'on ne puisse ni m'envoûter, ni se jouer de moi. Amen. Amen. Amen. Mais que je sois un soldat équipé. Merci Seigneur. Que le Messie prenne des nuits ou des jours. Amen. En sommeil ou éveillé. Amen. Que je puisse réprimer. Comme Jésus-Christ lui-même le ferait. Amen. Qu'on le Christ, il y a qu'on y s'appelle Kimolimu nangai pesa na yetumba na molimu. Eza la butu na pongi, eza la nini. Na yeba kwa yaba na bisala sala nyosa banguna. Eza la teke ngai ya sana pongi ya tewe. Ozo oya yo na pongi wana. Na zongisa. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Je vous donne un petit exemple personnel, non? Quand j'habitais ici, Salongo Léopard ici. Près du terrain de basket ici. Il y avait un enfant sorcier qui était en forme, en séance pour être délivré. Il fallait lui faire cesser toutes ses pratiques. Il fallait montrer l'amour de Dieu. Il devait venir chaque samedi. Comme cela au rendez-vous. Parlons de la parole. Nous et ses rêves et un peu tout ce qu'il y avait comme activité. Le rapport des parents. Et le rapport de lui-même. Or, il est allé s'arranger avec ses camarades sorciers. Pour venir m'attaquer la nuit. Moi, je n'avais pas de soupçons. Vous voyez, je dormais calmement. J'ai dormi cette nuit-là. Mais j'ai entendu le bruit au portail. Le Seigneur Dieu est grand. J'ai vu comment mon corps restait au lit à côté de madame. Mais mon autre corps est sorti de là. Et tes autres rames sous ces limions. J'ai traversé le couloir, je suis sorti par la porte. Et tes amis me pensent à écouter. Mais sans ouvrir la porte. Je n'ai J'ai traversé le couloir. Je rentre au salon. Et je suis sorti par la porte. Et juste là où il y avait un béton au-dessus, là où certains enfants étaient s'asseyaient. J'ai juste croisé les bras comme ceci. Comme quelqu'un en position d'attente d'un combat. Et que j'ai regardé ceux-là qui se faufilaient au portail pour rentrer. Et les enfants disaient, il nous a vu, il est là, il nous a vu, fuyons. Frère, j'étais prêt pour un combat corps à corps. Avec les forces des ténèbres. Mais dès qu'elles ont vu les signal, ma silhouette là-bas. Ils ont pris la fuite. Mais parce que ces choses ne sont pas des imaginations. J'ai compris pendant cette nuit-là que c'était les garçons tels avec sa bande de voyous. Et ça a pris une semaine. Ils devaient revenir la semaine après, le samedi suivant. Quand il est arrivé au rendez-vous, je l'ai accueilli et je me suis souvenu. Je lui ai posé la question. Le samedi tel, la nuit du samedi passé, qu'est-ce que vous étiez venu faire devant le portail? Il a commencé à pleurer. J'ai demandé, posé la question avec autorité et précision. Qu'est-ce que vous étiez venu faire devant le portail de ma de ma maison. Il pleure et puis dit, pasteur, ce n'était pas ma faute. Il m'avait forcé, ils m'ont dit que nous puissions venir pour entrer là-bas, pour venir envoûter et faire des choses. Alors, je lui pose la deuxième question. Vous aviez réussi à faire quoi? Nous n'avons rien réussi. Et je lui demande, pourquoi? Et puis il dit, parce que tu nous avais vus. Voyez-vous la concordance entre ce qui se passe dans les ténèbres et ce qui se passe sous le soleil? C'était lui et son groupe. Vous ne pouvez pas nier. C'était lui. Frère, soyez des combattants. Amen. Amen. Dieu qui m'a formé, peut te former. Amen. C'est de lui que nous recevons la capacité. Amen. Et de vous, de lui aussi, vous recevrez la capacité. Sois ce soldat là. Amen. C'est la bataille de ton propre esprit. Amen. Et comprenons-nous, hein? Amen. Comprenons-nous. Amen. Chers amis, Dieu existe. Amen. Il est le formateur des soldats de la grande armée du salut de Dieu. Il est l'entraîneur. Mon entraîneur. Mon entraîneur. Accepte d'être recruté par lui. Dis-lui, Seigneur, je me donne et j'abandonne tout à toi. Fais de moi des soldats à la manière biblique. Qui ne sera complexé devant rien. Êtes-vous là? Qui ne sera complexé devant rien. Dieu vous délivrera de combats occultes. Amen. Amen. Amen. Amen. Bitumba nyoso ya bondoki. Yebete nkolo akoka molola yo. Amen. Dieu existe, hein? Zambi. Toki topani kotanga ba témoignage. Amen. Peut-être ba misoba kobaye. Amen. Amen. Ba témoignage, ça? Amen. Amen. Dieu existe, il agit. Amen. Il Amen. Forme et il entraîne. Amen. Amen. Les exerçants dans la foi accroient. Afin de sortir d'ici comme de véritables gagneurs d'âme. Amen. Êtes-vous là? Ce que Dieu veut obtenir. Pour que vous sortiez d'ici comme de véritables gagneurs d'âme. Êtes-vous là? Voulez-vous en arriver à ce point? Je sais que plusieurs parmi vous ne sont pas encore des gagneurs d'âme. Prenez conscience de votre état. Gagneur d'âme. Vous avez gagné combien d'âmes à Christ? Mais vérifiez. Le fruit de votre vie spirituelle. Vous en avez gagné combien? Vous voulez rester toujours dans ce stade ici de formalité? Faisant les va-et-vient à l'église, allant, revenant, vous chantez les morts. Mais ça doit bouger! Il faut progresser. Mais comment tu deviendras gagnant d'âme quand tu es bourré de raisonnement toi-même? Tout le monde est questionnement et des doutes au sujet de ceci, au sujet de cela. Est-ce que Daniel a vraiment, c'est vraiment lui? Est-ce que Branham là, c'est Élie vraiment? Mais tu vas gagner les âmes comment? Ça doit bouger. Disons-nous la vérité. Ça doit bouger. Que vous sortez d'ici comme des gagnants d'âme. Bobima Alokolaba Oyo Bokenda l'église, vous repartez avec une formation. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, il met sur vos épaules la responsabilité de transmettre le message à quelqu'un d'autre, pour que lui aussi soit sauvé. Et ce qui est là, c'est que les gens qui ont été le même est le comique qu'elle n'a pas le bonheur de sa salle à sa vie qu'on s'appelle le sous-satan à sa mangote. N'a pas ce qu'on a assemblé l'ongoué. Du colonaïo. Là où Dieu attend de toi un gagneur d'âme. Et c'est quand même bien que j'ai été aux hommes la moussoussabatou. Gagner les âmes à la cause de Christ. Aux humiers la pote et la Christ. Amener les âmes à la repentance. Amener les âmes à expérimenter le salut. C'est l'entraînement que Dieu donne aussi à maintenant. Mais ne sois pas déconnecté de ça. Ne sois pas déconnecté de ces programmes, de cette formation. Et qui vont prendre le téléphone et appeler les voisins et faire entrer les gens. Kokoti sabato na makambo ya Zambe, kokoti sabato na assemblée na biso, kokoti sabato na message oyo. Tu prends le téléphone, tu appelles les voisins, même si y a les murs de clôture, mais tu crées un contact pour que lui aussi tu lui parles du message. Atako bitutu ezali oyo kangi balopango. Yo kobenga ya tana basinga. Natine te olobele esi atana nzela singa sango. Appelez les voisins et faire entrer les gens. Kobenga bazalani okoti sabato. Leur faire entrer ceux qui ne sont pas des chrétiens. Et ceux qui sont malades et affligés. Oh Père, je prie que chaque personne qui entrera dans cette salle, malade ou affligé, soit guérie. Amen. Et que chaque pécheur qui passera par ces portes n'aille pas de paix du tout jusqu'à ce qu'il viendra à toi. Quelle réclamation pour cette zone, la zone où nous tenons notre congrégation, nos rassemblements. Priant que toute personne, tout pécheur qui va traverser entre ici, même s'il sera venu qu'une seule fois, au moins parce qu'il est, il est entré dans cette sphère où il y a les enfants de Dieu qui siègent. Qui n'aille plus jamais la paix. Jusqu'à ce qu'il se donne à Dieu. Amen. Si pas dans notre assemblée, même quelque part. Voilà la stratégie pour contraindre les esprits et ne pas les éparpiller. Que chaque croyant qui franchira ses portes soit baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et que le glorieux signe miracle s'accomplisse, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Après 2000 ans, nous voyons la preuve infaillible attestant que nous pouvons encore voir Jésus. Il apparaît au milieu de nous juste avant sa venue. N'est-ce pas vrai? Il fait son apparition dans son église. Le dernier signe qu'il avait accompli devant les Juifs. Et il en avait fini avec eux. Ce dernier signe qu'il avait manifesté avant la fin des gentils est en train d'être manifesté. Nous savons que c'était le dernier signe. Qu'Abraham a reçu avant que Sodome ne fût brûlé. C'était le dernier signe. Nous réalisons que les ministres sont là à Sodome. Soit, et des grands réveils sont en cours. À Chicago et à travers le monde, et de glorieux signes et de prodiges se produisent. Des ministres prêchent, priant de toute force. Des pasteurs suppliant et implorant les gens. Et des glorieux prodiges sont accomplis par le Saint-Esprit et par le monde. Des guérisons, des signes et des prodiges. Tout ça, c'est Dieu exerçant les siens. Dieu entraînant ses soldats dans la grande armée du salut de Dieu. Est-il l'un d'eux? Mais s'il arrive que tu ne sois pas encore entré, et que tu sois prisonnier d'une certaine manière, alors je vais te lire ici dans le psaume 142, ce qui fera encore du bien à ton âme. Psaume 142, le verset 1 à 8. De ma voix, non, le verset 2 à 8. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Nangangi epai na yawe na mungongo nangai. Na mungongo nangai nangai na leli epai na yawe. Na kolobaka mpasi nangai liboso na yempe. Na kosusulaka na yempo na mpasi nangai nyoso. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Wana elembi molimo nangai kati nangai, yo oyebi nzela nangai. Kati nanzela, ekotambola kangai, babombaki, litonga ponangai. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Tale epai na loboko na mobali mpe mona. Mpe ete moto oyo ayebi ngai azalite. Nzela nangai na kokima ezalite. Moto na kokanisa molimo na ngai azalite. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Yahweh. Na ngangi epai na yo. Na lobaki ete yo ozali na ebombeli na ngai. Libonza na ngai kati na bato na mokili. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Yoka kondanga nangai, nzambi nazali na mpasi solo. Bikisa ngai na ba oyo bakonyokola kangai nzambi balekinga na makasi. Et attention ici où je vais en venir, tire mon âme de sa prison. Bimisa molimo nangai, afin que je célèbre ton nom. Le nom dans lequel vous devez parler et agir, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom dans lequel vous vous laissez entraîner pour toute bataille, tout combat spirituel, c'est Jésus-Christ. Et la base sur laquelle vous vous tenez, c'est la parole écrite. La sainte Bible de Dieu. Tenez-vous à la parole écrite. Donc dites à Dieu, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du sien. Peut-être que ta maison est déserte et là, que des rares visites. Tes frères même ne viennent pas, tes soeurs ne viennent pas, tes voix. Peut-être tu penses que Dieu n'a encore rien fait dans ta maison. Parce que tu es encore tout sec là. Tu es dans le formalisme. Il n'y a pas d'expérience fraîche. Tu es entré dans les coutumes religieuses. Les habituations. C'est une sorte de prison. Dites à Dieu de sortir votre âme de la prison. Car ceux qui sont de Dieu se reconnaissent. Et il y a une attraction qui fonctionne en eux là. Il ne faut pas s'éloigner les uns les autres. Et ça va les rapprocher les uns les autres. Les justes viendront m'entourer. En toi, Dieu, tu m'auras fait du bien. Au lieu de t'en prendre aux gens, règle les affaires avec Dieu. Mais ta vie à notre avec Dieu. Pourquoi ces choses si on ne vient pas me voir? Mais ta vie à notre avec Dieu. Les enfants de Dieu tiendront demain. On n'aura pas les tirés de force pour nous venir. Les justes viendront m'entourer. Antoine, tu m'auras fait du bien. Ayez la spiritualité. Arrêtez les plaintes charnelles. Des gens formalistes. Revenons ici au psaume 144. Verset 1 et 2. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Nous l'avons appris nous ce soir, il exerce notre foi au combat. Il exerce notre spiritualité à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge et qui m'assujettit mon peuple. C'est lui qui peut te donner une parcelle d'autorité, une zone d'influence. C'est Yahweh. Yahweh libanga na ngai asanzolama. Oyo alakisi maboko na ngai mayele na etumba. Pe misapi na ngai mayele na kubunana. Ye malamu na ngai mpe bombomeli na ngai. Ndako na ngai ya molai mpe mobikisi na ngai. Nguba na ngai mpe ye oyo ngai na ndimi epai na ye. Ye oyo azongisi bato na ngai sima na ngai. Ouais. Yo. Il peut te donner une zone d'influence. C'est sur ta zone d'influence que tu gagneras les âmes. Êtes-vous là? Toi, peut-être la zone d'influence que tu as, c'est pour aller te ressembler aux païens. Donc les gens là, que tu fréquentes, il n'y a rien de bon. Il n'y a que des souillures, des conversations terre à terre, qui nous disent une queue dans l'évangile. Et tu perds ton temps comme ça. Bien aimé, tu peux appeler Dieu sur la scène. Qu'il tire ton âme de sa prison. Qu'il tire ton âme à toi de sa prison pour t'amener à célébrer son nom. Ensemble avec ceux-là qui célèbrent son nom, comme il est écrit dans la Bible, que le soleil levant jusqu'à son couchant, le nom de l'Éternel soit célébré. Entrons dans la grande armée du salut de Dieu. Dieu exerce les siens. Dieu entraîne son peuple. Il exerce ses soldats maintenant. De la grande armée du salut de Dieu. Recevez cette formation. Entrez dans cet entraînement. Que je suis votre coach. Votre entraîneur personnel. Qui est hydraté. Il y a eu des succès. Vous n'allez pas vous complaire. Vous voulez atteindre la perfection. Et avec lui, vous y parviendrez. Le perfectionnement vient de la relation personnelle avec Christ. Le perfectionnement vient de la relation personnelle avec Christ. Soigne-moi cette relation-là. Soigne vraiment cette relation que tu as avec Jésus-Christ. C'est à travers cela que tu atteindras la perfection. Un bon niveau. Tu seras un soldat gradé. Capable d'aller affronter. Et de ramener des résultats. Que Dieu te bénisse. Lève-nous pour la prière. Dans l'amour de Dieu. La prière est une réponse, la prière c'est la solution. Oh, la prière c'est un dialogue d'un chrétien. Et mon prier, la prière est une puissance, la prière est la solution. Amen, la prière d'un dialogue, d'un chrétien, ou avec, et mon prier, la prière est une puissance, la prière. prière est la solution. Oui, la prière est un dialogue dans ce cœur. Oui, avec Père a prié, ma sœur a prié, et ne puissance. La prière est la solution. Amen. La prière est un dialogue dans ce cœur. Oui, avec mon Père a prié, prié toujours, et ne puissance. La prière est la solution. Oh, la prière, c'est dialogue dans ce cœur. Oui, avec ma soeur a prié, on prie encore, et ne fait pas la prière. Et la solution, et la prière, c'est dialogue. Cette avec l'église a prié, famille a prié, et la puissance, la prière. C'est la solution, amis, la prière, saint dialogue. Chrétien, avec son Dieu. Maintenant, parle à ton Dieu. Ça, c'est un petit peu là. Le Seigneur, ton Dieu, est l'unique Seigneur. Qu'il soit ton entraîneur. Enrôle-toi dans son armée. L'armée du salut de Dieu. C'est la grande armée où il faut figurer. Une armée qui ne passera jamais. C'est une armée éternelle. Dans laquelle il faut figurer. Jouez le rôle et marquez votre temps. Par les hauts faits de guerre. Les hauts faits d'armes spirituelles. Que Dieu t'amène au bon niveau. Dans cet entraînement. Ne rate pas une séance. À cause des choses de la terre. Ne rate pas une séance d'entraînement. Sois toujours présent. Car ce que tu perds en ratant, c'est vraiment beaucoup. Ça te laisse souvent en arrière. Déphasé. Et parfois tu vas échouer certaines batailles parce que le jour où Dieu donnait cette technique, toi tu étais absent. Mais croyez en le début, persévérez dans l'enseignement des apôtres. Et c'était chaque jour assidu au temple. L'assiduité. Molende. Aïssa. Prions chacun. Prions chacun. Alors prière. Dieu bien-aimé, Père Céleste, de tout cœur nous t'aimons. Et avec joie, nous voulons nous aimer les uns les autres. Tel est le commandement de ta bouche pour nous, tes disciples, tu croyants. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Et tu nous as établis. Et tu nous envoies pour produire du fruit. Et que notre fruit demeure. Père Céleste, tu es le propriétaire de la grande armée du salut de Dieu. Et tu nous as appris qu'en ces temps, comme autrefois, tu es en train d'exercer et tu es tes soldats. Oui, Colissidiso, et t'es le colacala, Natangoyo, aux Alipés, oui, Colissacane, Basoda, Nayo, Colaxaca, Bangolo, Lenga, Kobunda. Tu les entraînes toi-même. Yomo, Colossal, Colaxa, Bangolo, Lenga, Nini, Yakobunda. Tu les exerces à croire par la foi. Aux Alipés, Colissabango, Tabangima, Obedan, Zelana, Kondima. Afin qu'ils sortent d'ici étant des gagneurs d'âme. Oh, quel défi pour certains d'entre nous. Des années s'est multiplié à l'église. Mais nous n'avons pas encore atteint le niveau des gagneurs d'âme. Le nombre de signes, prodiges et miracles. Pour certains, ça n'existe presque pas. Pour d'autres, compter au bout du doigt. Alors que nous avons le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Le miraculeux nom. Le nom providentiel. Qui pourvoit à tout. Qui répond à tout. Qui rassure le cœur. Pourquoi ce retard dans notre marche? Ce formalisme et cette rétrogradation. Aie pitié de nos âmes! Accorde-nous ton pardon! Encore une fois, Seigneur, aimons de cet arbre. Sarcle et arrose-le. Donne-lui encore une année pour rendre des fruits qui te seront agréables. Regarde mon frère dans cette condition. Regarde ma soeur pareillement, Seigneur. Nous avons grandement besoin de ton soutien, de ton inspiration, de ton équipement, de ta puissance, de ton remplissage, de l'onction de Dieu. Pour être efficace sur terre, passez notre foi en action, sans fausse manœuvre, sans faux raisonnement, sans traînailler, mais que nous puissions avancer. Exauce la prière de chacun de nous. Entraîne-les personnellement. Enrôle-les dans ta grande armée du salut de Dieu. Qu'il en soit un soldat, une soldate. Croissant. Progressant. Pour atteindre un bon niveau. Je réclame le mien au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas fainéantir. Tourner en rond. Marquer les pas. Mais nous voulons avancer chaque jour. Aide mon frère, aide ma soeur. Laisse tomber tous les voiles charnels. Tous les voiles d'incrédulité. Toutes les convoitises des yeux. Les convoitises de la chair. L'orgueil de la vie. Toutes ces salités. Accueille-les complètement pour avoir une armée bien apprêtée. Sainte en esprit. Sainte de corps. Évacue toutes les plaintes inutiles, les murmures charnels, et répand l'amour dans nos cœurs. Remplis-nous de l'amour divin, et que nous soyons efficaces sur terre, à tous égards. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir, et que Dieu soit loué.